règle pas mon problème. T'avoue, viewer sur la ligne, scan thermique, j'entre dans ta base propre et méthodique. T'as cru que Rust est pause café, mais pendant Netflix j't'ai désossé. Chaque mur, chaque coffre, chaque toit, maintenant c'est tout à moi. T'as pas résisté, c'est la règle. J'ai loté même tes rêves.